Donc, hop. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. Donc on révise quand même dessus, hein, sur, comme c'est ce vendredi. Donc le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Ce qui signifie, lorsque c'est la nuit de la mi-Sha'ban, accomplissez des actes surrogatoires pendant sa nuit, faites le jeûne pendant sa journée. Rapporté par Ibn Hibban. Donc, là, bon, ça tombe un vendredi. Donc, Cheikh, il a répondu là-dessus, donc, que les savants, ils ont dit, comme c'est pour une occasion, donc, y a une raison, donc ce n'est pas déconseillé, hein, de jeûner le vendredi tout seul. Mais le mieux, c'est de jeûner un jour avant. Lorsque ça tombe un jeudi, donc le jour avant, donc c'est bien. Sinon, on peut jeûner le vendredi tout seul pour cette raison. Donc, il a dit également le prophète, afdalu salati ba'd al-farida, salatu al-layl. Ce qui signifie la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière surrogatoire effectuée de nuit. Donc parmi la nuit de la mi-Sha'ban, une nuit bénie, parmi les meilleures choses que puisse faire la personne durant cette nuit, c'est de veiller sa nuit, de jeûner la journée qui suit, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah durant cette nuit. Donc la piété à l'égard d'Allah signifie d'accomplir les devoirs et éviter les interdits. تقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Donc la personne met l'intention de jeûner donc la veille par recherche de la demande de Dieu. Et donc bien sûr si la personne a des rattrapages, elle rattrape prioritairement. إذا إنسان عنده قضاء يقضي l'aula ou le qada, donc la priorité c'est le rattrapage. Donc aussi il faut faire attention donc aux hadiths mensongers, donc il y a des hadiths mensongers, hadith maktouba yani. Parmi les hadiths mensongers, c'est que certains y proposent, c'est Rajab est le mois de Allah, Sha'ban c'est mon mois et Ramadan est le mois de ma communauté. يعني حديث يقولون فيه رجب شهر الله شعبان شهري ورمضان شهر أمتي. هذا حديث مكذوب. Donc le hadith aussi Rajab c'est le mois de la demande de pardon, Sha'ban c'est le mois de la prière et de l'invocation en faveur du prophète. Et Ramadan, c'est le mois du Coran, alors appliquez-vous que Allah vous fasse miséricorde. Aussi, hadith mensonger. Et aussi, le hadith qu'on reçoit souvent dans les SMS, donc avant en tout cas, le hadith, le premier, a informé des nouvelles du mois de Sha'ban, le feu de l'enfer lui sera interdit. Donc ces trois hadiths n'ont aucun fondement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais tenu ses propos. En revanche, le prophète a dit ce qui signifie « Celui qui ment à mon sujet délibérément, qu'il se prépare pour l'endroit qu'il occupera en enfer. » Hadith makdouba, Rasoul alayhi sallat wa sallam, « قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. » Quant à l'arrestation de Sourate Yassine, durant cette nuit, elle comporte une récompense tout comme pendant le reste des jours et des nuits. Seulement, il n'a pas été rapporté du messager d'Allah qu'il est recommandé de la rester pendant cette nuit en particulier. Quant au verset, C'est pendant cette nuit que sont partagées toutes les destinées sages. Sourate Ad-Dukhan. Donc, ça désigne la nuit de Al-Qadr. Et non pas la nuit de la mi-Sha'ban. Et la signification, c'est que Allah donne la connaissance à ses anges durant cette nuit, là, la nuit de Al-Qadr, sur les détails de ce qui va avoir lieu depuis cette nuit jusqu'à la nuit de l'année suivante. On fait de mort, de vie, de naissance, de subsistance, de ce qui est de mémoire. Donc, ça, c'est dans l'ayat Al-Qadr, qui est une nuit de Ramadan. Yani Allah yu'alimu al-malaika ma yahsul, yani min umur al-khala'iq, yani ila al-layla al-Qadr min. العام المقبل موت حياة ولادة إلى غير ذلك والقاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير التغير صفة الخلق سبحانه الذي يغير ولا يتغير donc la règle c'est que Dieu fait changer les créatures et lui ne change pas. ما معنى الآية كل يوم هو في شأن. إذن ما معنى هذه الآية؟ الرسول فسرها يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. معناها الله يغير في خلقه وهو لا يتغير. هذا معنى كل يوم هو في شأن. Donc un verset dans سورة الرحمن كل يوم هو في شأن. Donc que signifie ce verset? Donc la règle c'est que Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a expliqué ce verset en disant c'est-à-dire Dieu, en fait, fait changer ses créatures. Donc il pardonne un péché, il soulage d'une épreuve, il élève un peuple, il en rabaisse d'autres. Et ceci est en accord avec les paroles des musulmans. « هذا يوافق قول المسلمين » يعني « سبحان الذي يغير ولا يتغير » Donc Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc il est exempt de toute imperfection. Le subhana, ça veut dire Dieu est exempt, n'est pas concerné par l'imperfection. Celui qui fait changer alors que lui ne change pas. Ce sont de belles paroles parce que le changement advient aux créatures et non pas à Allah ni à ses attributs. Taghayyur yaqa'u fil makhluqin. كما قال الإمام أبو حنيفة والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين قال وصفات غير مخلوقة ولا محدثة والتغير والحدوث يقع في المخلوقين فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو توقف فيها أو شك فيها فهو كافر هكذا قال الإمام أبو حنيفة يعني يقول في حق الله الذي يقول أنه صفاته تتغير أو يتوقف توقف يعني قل أنا لا أقول كذا ولا أقول كذا هذا ثم توقف هذا يكون كافرا لأنه لابد هنا الاعتقاد الجازم donc le même Abu Hanif il a dit les attributs de Dieu ne sont pas en existence ne sont pas créés et l'entrée en existence et le changement advient pour les créatures et celui qui dit qu'elles sont entrer en existence ou créer, ou il doute de cela, ou s'abstient, il est mécréant. Parce que sur ces points-là, il faut une croyance catégorique et ferme. Donc douter ou s'abstenir aussi, c'est contraire à la vérité. S'abstenir, c'est de dire, je ne me prononce pas, je ne dis pas que ces attributs sont créés ou qu'ils ne sont pas créés. Et là, c'est de la mécréance. Et ça, c'est la parole d'imam Abu Hanifa. Donc, il faut avoir une croyance ferme. Et douter ou s'abstenir, ce n'est pas valable. Donc, c'est comme toutes les bases de la croyance. Chak ou tawakuf yukul, yani usul l'a'tiqad, hada, la yakun maqboulan. فالذي يدعو الله سبحانه وتعالى هذا يعني داخل في القدر وليس الدعاء يغير قدر الله Donc celui qui invoque Dieu pour qu'il soit exaucé, et qu'il est exaucé, et puis cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu a changé, mais cela veut dire que ça fait partie de ce que Dieu a prédestiné, a voulu. Donc tout ça, ça rentre dans la prédestination, donc ça c'est important. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بذلك أن كل شيء بتقدير الله، بعضهم قال فلماذا إذن لماذا نفعل ونسعى، أفلا نتكل على هذا أن كل شيء بتقدير الله؟ قال قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني كل ما يفعله الإنسان بتيسير من الله، سواء للخير أو للشر. Donc quand le prophète عليه الصلاة والسلام il expliquait ce sujet que tout est prédestiné par Dieu, et certains ils ont posé la question au prophète, alors que tout est prédestiné, bon, pourquoi on agit? Donc tout est prédestiné pour chacun, pourquoi on agit? Donc le prophète il a répondu, donc c'est une question qu'on pourrait poser beaucoup de gens. Donc il a dit agissez chacun, œuvrez chacun, va être facilité donc vers ce pourquoi il lui a été prédestiné en fait. Donc chacun il va être facilité pour ce que Dieu lui a prédestiné de toutes les manières. Parce que c'est impossible quelque chose qu'elle arrive malgré Dieu, que ce soit la pensée de la personne ou son penchant vers le bien ou vers le mal, ou ses actes, tout ça ne peut pas sortir de la prédestination, du vouloir, de ce que Dieu a voulu, de ce que Dieu sait, bien sûr. Donc, لا يخرج شيء عن تقدير الله ومشيئته وعلمه. هذا يستحيل عقلا بالطبع. Donc c'est impossible rationnel. Quelque chose qui arrive qu'une chose arrive malgré Dieu, c'est impossible rationnel. Donc croire le contraire de cela, ben, c'est contraire à l'islam, contraire à la croyance. Donc parmi les choses contre lesquelles il convient de mettre en garde, il y a une invocation que certaines personnes se sont habituées à répéter durant cette nuit. Ils disent Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummi al-kitab mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi al-rizq famhu Allahumma bi fadlika shaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtar rizqi. Ces termes, certains les ont rapportés de Omar ibn Mas'ud et Mujahid, mais cela n'a pas été confirmé. Donc c'est pas confirmé ces paroles-là. En effet, celui qui croit qu'Allah change sa volonté par l'invocation de quelqu'un qui invoque, sa croyance a été corrompue. Parce que la volonté d'Allah est éternelle, exempte de début, exempte de fin, il ne change pas. إذن إذا إنسان يعني هذا دعاء غير صحيح، بعض الناس يقولونه في ليلة نصف من شعبان هو لم يرد ذلك الدعاء، يقولون اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو مطرودا أو مقطرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقطار رزقي. وعلى كل حال إذا إنسان يعتقد أن الله يتغير لا يكون مسلم، لأن الذي يتغير يحتاج لمن يغيره، والمحتاج لا يكون إلها. فالدعاء والأسباب هي تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc faire les causes, l'invocation, tout ça, ça rentre dans ce que Dieu a voulu, a prédestiné. Alors, donc, que signifie le hadith لا يرد القدر شيء إلا الدعاء؟ ما معنى هذا الحديث؟ معناها ليس معناه إذا إنسان دعا الله يغير، هذا شرك. الذي يعتقد أن الله يغير هذا جعل الله مخلوقا، ما معنى هذا؟ معناها قال العلماء القدر هنا المراد به الذي هو مكتوب في صحف الملائكة أن فلان إذا دعا وفعل كذا من الخير له كذا كذا وكذا من الفضائل والمزايا، وإذا لا فعل معصي المعاصي وترك واجبات أو لم يدعو لا يكون له كذا وكذا من المزايا. هذا مكتوب على وجه التعليق عند الملائكة، يعني الملائكة في صحفهم مكتوب أنه فعل كذا هذا يعيش 80 إذا وصل رحمه وفعل كذا، إذا لم يصل رحمه ولم يفعل كذا من الخير وفعل كذا من الشر فيعيش إلى 60. هذا مكتوب عند الملائكة. أما الله يعلم أنه سيفعل كذا وله هذه المزية أو لا يفعل، وفي اللوح المحفوظ مكتوب فلان سيفعل كذا ويتعلم هذا الدعاء وسيدعو به وسيفعل هذا الإحسان في هذا ويكون له كذا وكذا من ويدفع عنه كذا من البلايا، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ والله يعلم ذلك. فمن اعتقد أن الله لا يعلم شيء ثم علمه أو شاء شيء ثم غير، مثل بعض الناس يقول كان الله يريد أن يخلق فلان ذكر ثم خلقه أنثى، هذا كفر بالله والشرك، لأنه جعل الله يجهل شيء ثم تعلمه، وهذا تكذيب للدين هو خروج الإسلام، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار، لو مت على غير هذا دخلت النار. Donc le prophète il a dit si tu, il faut que tu crois que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Et tu crois en toute la prédestination. Et si tu meurs sur autre que cela, tu vas en enfer. Donc le hadith, donc c'est important de le savoir, ne veut pas dire que quelqu'un fait l'invocation et puis Dieu change pour lui. Ça c'est contraire à la raison. Changer, ça veut dire, c'est comme dire Dieu ne savait pas et puis il a su quelque chose. Donc c'est illogique, irrationnel. Parce que Dieu sait toute chose. Celui qui ne sait pas et qui l'a su, c'est qu'il a besoin de qui l'a fait changer, de qui l'a fait savoir ce qu'il ne savait pas et qui l'a fait changer d'un état à un autre. Donc ça, celui qui croit le contraire, ben, celui qui croit que Dieu change, en tout cas, c'est de la mécréance. Bien sûr, c'est contraire à l'islam. Il n'y a pas d'excuse là-dedans, parce que la raison confirme catégoriquement que c'est impossible, ça. Donc Dieu sait toute chose. Donc le dua, le hadith veut dire... En fait, le qadar ici qui est conditionné, qui écrit sur les ce qu'ils ont les anges en fait. Un tel, s'il maintient les liens avec sa famille, il fait tel bien, il fait tel droit, il va vivre 80 ans. S'il fait pas ceci, cela, ou qu'il fait tel péché, ou qu'il fait pas tel droit, il va vivre 60 ans. Eux, c'est marqué sous forme de condition. Mais dans la table préservée, déjà, c'est marqué, il va faire ça ou ça. Tel jour, il va apprendre ça, qu'il va faire ça, il va pratiquer la religion, etc. Tout est marqué. Déjà, c'est marqué dans la table préservée. Et à plus forte raison, Dieu sait cela, bien évidemment. Dieu sait qu'est-ce qui va arriver exactement en détail, en détail, en général. Tout ça, Dieu le sait, bien évidemment. C'est logique, là. Donc, que Dieu sait toute chose. Donc, croire que Dieu il voulait ça, et puis tu as fait quelque chose, Dieu a changé... Ça, c'est de la mécréance. Comme certains qui disent Dieu voulait créer un tel mâle, il l'a créé femelle ou l'inverse. Ça, c'est de la mécréance claire. Donc, faire attention à cela. Parce que ces sujets-là, il n'y a pas d'excuse. Donc, si quelqu'un se trompe dessus, parce que c'est les bases, les fondements. La yu'adharu l'insan bi jahli fi hadha al-masal. Quelqu'un, il n'est pas excusé pour son ignorance dans ces sujets-là. Yana alladhi la ya'lam shay thumma 'alimahu hadha makhluq. Celui qui ne sait pas une chose et puis il l'a su, c'est forcément une créature, ça c'est catégorique. Donc c'est ça la signification du hadith « La yaruddu al-qadr al-shay illa du'a ». Ici ça vise que qu'est-ce qui change par l'invocation ou par les actes de bien, c'est ce qui est écrit chez les livres des anges, mais pas la prédestination de Dieu. Ça ne change rien. Donc... Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna nadhra la yaruddu min qadarillah وإنما يستخرج به من البخيل. Ce qui signifie, le vœu n'empêche pas la destinée de Allah, seulement c'est par le vœu que l'avare y donne. C'est-à-dire le fait de faire un vœu, puis ça ne change pas ce que Dieu a prédestiné. Donc la chose dont Allah sait et veut l'existence de toute éternité, il est indispensable qu'elle soit et cela ne change pas. Ma alim Allahu wujudahu wa arada wujudahu la budda an yujad. Allah قال والله غالب على امره. يعني لا احد يمنع نفاذ مشيئته. والله غالب على امره, c'est-à-dire personne n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. C'est une question, donc normalement c'est une révision, mais c'est une question, donc n'hésitez pas. Oui, la question c'est pas le vœu que l'avare donne, c'est quoi l'explication dans le sens. En fait, le fait de faire le vœu, c'est quelque chose, ça t'incite à donner, c'est ça que ça veut dire. Ça va donc inciter la personne, pousser la personne à donner en fait. Il y en a, il va donner son vœu parce qu'il a une forte. Ardeur. Il y en a, bon, quand il fait le vœu, ben il sait que c'est devenu obligatoire. Comme quelqu'un, il va, par exemple, il va arrêter la cigarette, il a une forte ardeur. Mais il y en a, il peut pas, il va dire, je fais le vœu comme ça, je sais que c'est interdit, donc ne pas respecter le vœu. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que c'est clair? Alors, voilà, donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, la verset, Allah Ta'ala dit, « يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ » Donc, il y a certaines explications, mais celle-là qui correspond à ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit les savants, c'est Allah Ta'ala efface ce qu'il veut. Ah oui, ça c'est... C'est une autre, la deuxième. Il y a deux, en fait. Donc, on va citer les deux, quand même. On va citer la première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est ce qui est marqué dans la tablette, dans le feuillet des anges. Un tel, s'il fait ça, il aura ça. Il fait ça, il aura ça. Et, عندهم الكتاب, c'est-à-dire, tout cela est cité dans la table préservée. Qui aura cette situation ou non. Ça, c'est une des interprétations. يعني, هذه الآية, عندها... يعني تفسير أول وتفسير ثاني. جملة التفسير هو أنه مثل ما ذكرنا أنه أن الملائكة مكتوب على وجه التعليق إن عمل فلان كذا فله كذا وإن فعل كذا فله كذا وكذا, وهذا كله موجود يعني في اللوح المحفوظ أنه سيفعل كذا ويكون له كذا. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مثل ما ذكرنا ليس معنى الله قدر ثم غير, هذا لا يجوز اعتقاده. Donc comme on l'a dit, ça ne veut pas dire que Dieu il a voulu une chose puis il a changé. Donc ça n'est pas permis de croire cela. L'autre explication qu'on donnait les savants, c'est les versets qui ont été abrogés. C'est ça l'explication. يعني تفسير الثاني الآية قالوا هذا نزل شيء من القرآن ثم تغير نسخ بشيء آخر, مثل أشياء نزلت هذه في حياة النبي بالطبع, نزلت أشياء ثم نزل حكم آخر غير هذه الأشياء. طبعا لا يجوز, ليس معناه أن الله جاهل شيء ثم تعلمه, هذا لا يجوز اعتقاده, هذه أصول دين. هذا يعني إذا إنسان اعتقد في حق الله تغير هذا ما لا يكون مسلما قطعا مهما كان جاهلا. Donc ça c'est les fondements. Quelqu'un qui attribue à Dieu le changement, ben il peut pas être musulman. Donc ça c'est vraiment catégorique. Ça c'est un fondement de la religion. Donc la deuxième explication, ça parle de ce qui a été abrogé puis par quelque chose. Et ça c'est durant la vie du prophète. Certains jugements ont été révélés, puis ont été abrogés par d'autres durant les 23 ans de révélation. Est-ce que c'est clair ? Donc, il y a par exemple un hadith qui montre parmi les preuves dans le hadith que la volonté d'Allah ne change pas par l'invocation ou pour n'importe quoi. Rien ne peut changer la volonté de Dieu. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Sa'altu Rabbi arba'an fa'atani thalathan wa mana'ani wahida. Donc le prophète il dit que j'ai demandé à Dieu quatre choses, et il m'a accordé trois, et il ne m'a pas accordé une. Wa warada قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ولو نبي سأل قد لا يعطى. نبي أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام قال الله أعطاني ثلاثة ومنعني واحدة. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. نص حديث. Il dit le prophète que j'ai demandé à Dieu quatre choses, il m'a accordé trois, il ne m'a pas accordé une. Et le prophète il dit que Allah Ta'ala a dit, ce qui signifie ô Muhammad, si je destine quelque chose, ça ne sera pas changé. C'est-à-dire, même un prophète est le meilleur des prophètes, il a demandé à Dieu une chose, il ne lui a pas accordé parce que ce que Dieu a prédestiné ne change pas. Et donc, Subhan alladhi yughayyir wa la yataghayyir. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc, c'est quoi les trois? Donc, il a demandé qu'ils ne deviennent pas tous des égarés. La communauté, sa communauté, Dieu lui a accordé. قال وسألته أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. فيعني مثل قوم نوح أن لا يهلكهم مثل قوم نوح مثلا. Il a demandé que Dieu ne fasse pas périr toute sa communauté comme il a fait périr d'autres communautés comme le peuple de Noé. Il lui a accordé. قال وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها. Et il a demandé qu'il n'y a pas un ennemi qui les extermine aussi. Et il lui a accordé. قال وسألته أن لا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها. سأل النبي أنه ما يكونش حرب بين المسلمين فلم يعطى ذلك. حصلت حرب من عهد الصحابة، حصلت حرب يعني بين المسلمين. Et il a demandé qu'il n'y a pas de guerre entre musulmans, d'affrontement, et il a dit Dieu ne m'a pas accordé cela. Et effectivement, ça a commencé la guerre entre musulmans depuis l'époque des compagnons, notamment entre Muawiya et Ali. يعني حرب بدأت بين معاوية وعلي. Donc ce hadith, هذا الحديث رواه الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن أبي هريرة, rapporté par le حافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم d'après Abu Huraira. Donc il y a d'autres versions du hadith. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, c'est bien de faire les causes. La personne, elle espère être exaucée. Enfin, les causes doua ou autres, elle espère avoir ce qu'elle demande. Et comme il a dit le prophète, « قُلِ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. » C'est-à-dire, œuvrer chacun, il va être facilité vers ce pourquoi il lui a été prédestiné. Donc, vers ce qui lui a été prédestiné. Chacun va être facilité vers ce qui lui a été prédestiné. Voilà, idan, fi'l al-asbab huwa tahta mashi'atillah. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Voilà, l'abd lahu mashi'a tahta mashi'atillah. Et vous ne voulez que ce que Allah veut, le Seigneur des mondes. Donc, l'être humain, il a une volonté sous la volonté de Dieu. Donc, tu fais les doigts, tu répètes, et puis le doigt a plusieurs avantages. C'est bien le doigt. Le doigt, yani, fihi izhar l'iftikhar ila Allah. Wa anna l'abd yahtaj ila Allah, wa yatadhallal ila Allah, wa hadha fihi ajr kabir, yani bniyya hasana. Donc, le doigt, il comporte beaucoup d'avantages. Ça montre le besoin de, que la personne elle a besoin de Dieu. Qu'elle s'humilie envers Dieu et avec la bonne intention, cela comporte beaucoup de récompenses. Et donc, le Rasoul alayhi salatu wassalam, وقوة الرجاء بالاستجابة يعني يكرر يكرر وعنده قوة الرجاء أنه يستجاب له وأداب أخرى كالمأكل الحلال والملبس الحلال donc il y a des manières il y a des comportements en fait pour le dua comme il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام يعني que la personne pour espérer être exaucée elle ne s'empresse pas à dire Ah, j'ai fait, j'ai invoqué, bon, il m'a pas été, j'ai rien reçu, donc. Non, il faut persévère et qu'elle a la forte ardeur et la forte espérance d'être exaucée. Ça, c'est parmi les comportements. Il y a d'autres comportements comme s'habiller licite, faire preuve de piété, etc., manger licite. Ça, c'est très important. Mais aussi, c'est que elle espère fortement être exaucée, elle répète, elle répète. Donc, c'est intéressant dans tous les cas. Et aussi, فوائد الدعاء الإنسان ينسر قلبه أنه يقول في نفسه إذا الله سهل لي فهو يطمع أنه إذا الله سهل له أنه يتعلم هذا الدعاء ويكرر هذا الدعاء أنه يعني علامة أنه قد يستجاب له Donc, ça apaise la personne, le doigt apaise parmi les bienfaits, ce que la personne est apaisée par le fait qu'elle se dit si Dieu m'a facilité de répéter ce doigt, donc elle espère que ce soit un signe qu'il lui sera exaucé en fait. Donc, ça reste important le doigt et puis de faire les causes aussi. Mais en croyant donc. Donc la personne, elle doit croire bien sûr que tout est par la prédestination de Dieu et sous la volonté de Dieu. Donc ça c'est important. Donc bien sûr quelqu'un qui a appris les bases, ça c'est clair et net. Quelqu'un qui a appris les bases, elle a dit « ta'allam al-usul hadha shay yani musallam fihi ma la ghubar alayhi » إشكال الذي لم يتعلم مشكل الإنسان بعض الناس ما تعلموا الأصول يعني لم يتعلم بالمراحل المرحلة الأولى ثم التي بعدها في الناس يهتم بالدعاء والذكر وكذا كذا كذا ويترك الأصول هنا الإشكال أما الذي تعلم الأصول هذا أمر واضح أنه الذي يتغير يكون مخلوق هذا ما فيش كلام Donc quelqu'un qui a appris, c'est des choses bien sûr très faciles, ça c'est catégorique, indiscutable, que c'est impossible le changement s'agissant de Dieu. Le problème, c'est celui qui saute les étapes, comme certains, il va s'occuper les doigts, les choses, les recommander, et puis il n'a pas appris bien les bases, les fondements. Et là, il peut croire des choses étonnantes, vraiment, et graves. Donc, il est clair et catégorique que rationnellement, c'est impossible le changement s'agissant de Dieu. Evan, في سؤال واضح، une question. Alors, on va poser des questions. Il n'y a pas de questions. Donc, on a dit, alors, ce vendredi, c'est la mi-Charban. C'est recommandé de jeûner. Ah, نصف من شعبان. J'ai dit la moitié Charban, c'est ce vendredi, 12 mai. Oui, c'est bien ça. Et c'est sunna de jeûner. Le sujet c'était global, c'était la moitié de la mi-Charban. Ouais. Nous sommes le 12 aujourd'hui, le 13. Ah, donc en tout cas, alors vendredi c'est le 15, donc jeudi 14 aujourd'hui, donc le 12, oui. Donc jeudi c'est le. Non. Donc, on répète, vendredi c'est le 15, donc jeudi 14, mercredi 13, donc aujourd'hui mardi 12, oui. Donc aujourd'hui on est le 12, oui. Donc, bon, si d'autres ils ont dit le jeudi, bon, la personne peut jeûner le jeudi et vendredi. Donc, nous en tout cas, la confirmation c'est que. Comme il n'a pas été vu le croissant lunaire, et le mois précédent était complété à 30. Yani شهر رجب يعني كان 30. قد بعض البلدان شافوا الهلال فيكون بدأوا الشهر قبل. Peut-être certains ils ont vu la croissance, ils ont commencé le mois avant. Nous, on n'a pas été confirmé, donc en tout cas pour nous, la vision, donc c'était. Donc, compléter Rajab à 30 jours. Donc, en tout cas, vendredi, c'est le 15. Donc, on peut jeûner le vendredi tout seul. Et le mieux, on a dit jeudi, vendredi. Sunna, c'est recommandé. Donc, c'est pas obligatoire. Mais par contre, quelqu'un, il a des rattrapages. Il a des qadha, il rattrape. C'est la priorité. C'est un plus important, le rattrapage. Et voilà. Qulna, donc, on a dit. C'est bien, on a vu faire les doigts, etc. Donc, faire attention, on a dit à certains prétendues invocations, enfin des invocations qui ne sont pas confirmées, que certains ils disent, et que certains pourraient croire suite à cela des mauvaises croyances. Et le résumé, c'est que le doigt ne change pas ce que Dieu a prédestiné. Mais c'est bien de faire des doigts. C'est un bon signe pour toi. Et puis, tout ce que tu fais, ça fait partie de la prédestination et la volonté de Dieu. On a le dua. C'est écrit de toutes les manières aussi dans la table préservée. Donc, il suffit de. Enfin, de expliquer à quelqu'un de cette manière, de dire déjà tout ce que va dire la personne c'est marqué dans la table préservée. Que dire donc à la plus forte raison Dieu il sait cela. Donc كل ما يفعله الانسان مكتوب في اللوح المحفوظ فمن باب اولى ان الله يعلم ذلك. فالذي يعتقد في حق الله التغير هذا لا يكون مسلم. Quelqu'un qui attribue à Dieu le changement ben ça peut pas être un musulman. Ça contredit l'islam, la base. Subhanallah, voilà, et taghayyur. Dieu ne fait changer les créatures et lui ne change pas. قلنا لأن الذي يتغير يحتاج لمن يغيره والمحتاج لا يكون إله. Parce que celui qui change a besoin de qui le fait changer, Dieu. Et donc celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc tout ce que fait la personne rentre dans la prédestination. Donc le fait de faire les causes, c'est bien. Et donc, tout ça, ça fait partie de ce que Dieu a prédestiné aussi. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Donc il a dit ce qui signifie agissez chacun, il va être facilité pour ce qui lui a été prédestiné. Chacun va être facilité pour ce qui lui a été prédestiné. Donc, c'est-à-dire tu vas avoir telle idée, tu vas apprendre tel doua, tu vas rencontrer un tel qui va te conseiller, tout ça, c'est déjà prédestiné. الإنسان وقع له حادث إنسان أسرع فنادى يعني سيارة الإسعاف كذا فأتت وثم عالجوه كذا وبقي حيا هذا كله مقدر أنه فلان يصل له كذا وستأتي السيارة في الوقت فلاني وكذا ويعالجه فلان بالطريقة الفلانية كل هذا مقدر عند الله. Donc quelqu'un il a fait un accident par exemple, quelqu'un il a appelé vite donc ambulance ou les urgences, des choses comme ça, qui sont arrivées, ils ont soigné une telle personne, tout ça c'est prédestiné. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? Ouais. On peut jeûner après, ouais, si on a commencé à jeûner le 15, on peut enchaîner. Ouais, il peut jeûner. Ouais. Ou celui qui ne peut pas jeûner, celui en dehors du rattrapage, bien sûr, celui qui n'a pas l'habitude, il ne peut pas commencer après le 15. Mais celui qui a l'habitude, il peut jeûner. Et celui qui a commencé le 15, il a enchaîné, il peut jeûner. Elle avait yani mu'tad an yasum al-ithnayn al-khamis, yajuz yawasil hadha hatta qabl Ramadan. أو إذا إنسان صام النصف وواصل يعني وصل هذا بما بعده هذا يجوز كذلك أو للقضاء لأن القضاء فرض أو pour le rattrapage. Ah oui, pour répondre à la question calendrier, tout à l'heure on m'a dit calendrier, bien sûr, le Rasoul قال يعني الشهر هكذا وهكذا يعني الشهر لابد من مراقبة. Calendrier c'est pour avoir une idée, c'est tout. Le mois il est confirmé, c'est connu, hein, c'est pas nouveau. Il faut l'observation. Hein, c'est pas par un calendrier. Le calendrier c'est juste une idée, c'est un calcul pour avoir à peu près. Pourquoi? Parce que Dieu a conditionné le début du mois par l'observation de la croissant. C'est pas par l'apparition du croissant. C'est différent. Parce que le croissant il peut apparaître au milieu de journée. On ne peut pas commencer le mois au milieu de journée. On peut calculer quand est-ce que apparaît le croissant. Il peut commencer au milieu de journée. Tu ne peux pas commencer le mois au milieu de journée. Donc Dieu a conditionné par l'observation. C'est une nuance. Mais quand est-ce qu'il va naître, ça peut être calculé. Mais ce n'est pas conditionné parce que quand est-ce qu'il va apparaître. Quand est-ce qu'il va commencer. Mais c'est conditionné parce que et est-ce qu'on le voit ou non? C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que c'est Dieu qui ordonne. Le mois, c'est comme ça, le wudu, c'est comme ça, etc. On ne peut pas dire le maghrib, pourquoi c'est 3 rakas? Pourquoi on ne fait pas 5? Pourquoi sauf c'est 2 rakas? C'est comme ça, c'est comme ça. Si tu fais 4 rakas, le maghrib, ce n'est pas valable. Même si tu as été fatigué plus, ce n'est pas du tout valable. Donc le mois, il est conditionné par l'observation du début de croissance. Observation, donc, où on les voit locales, donc, selon des savants, comme Shafi'i, ou, ça veut dire, chez les Hanafis, c'est acceptable, même si des gens loin, dans une région très loin, ils ont confirmé, des gens dignes de confiance, des musulmans pratiquants, ils ont confirmé le début, on peut suivre. Donc tous les mois, c'est comme ça, il faut l'observation. Pour les autres mois, il faut deux personnes musulmanes dignes de confiance. Pour Ramadan, un il suffit pour confirmer. Yani, بداية الشهر معلقة في الشرع برؤية الهلال وليس بولادة الهلال، لأنه حسابيا قد يعرف متى يلد الهلال، يعني يبدأ الهلال قد يبدأ في نصف نهار أثناء يعني النهار وليس في الليل. فالشرع قيد بداية الشهر برؤية الهلال وليس بولادة الهلال، فلا بد من الرؤية وهي فرض كفاية، فرض على المسلمين المراقبة. Donc c'est et puis observer, tenter d'observer, c'est une obligation d'ordre communautaire. C'est très simple, يعني الشهر الله معلق بالرؤية، لابد الإنسان يلتزم بذلك، هذا أمر شرعي يعني. Donc c'est une règle religieuse. Donc on peut les gens peuvent calculer des choses, mais Dieu n'a pas conditionné par le calcul. D'autres choses dans le calcul sont utilisées dans la religion, comme l'héritage, c'est avec le calcul. Donc c'est Dieu qui ordonne et interdit. Allah huwa al-ya'mur wa yanha. Hisab musta'mal fi ashya' ukhra fi ad-din, mithl al-irth, al-mirath. Donc ça c'est important de comprendre la nuance, parce que des gens ils confondent. C'est conditionné par l'observation. Comme pour le début de l'aube. Là, toujours, il y a la polémique parce que des gens ne connaissent pas la religion. Et c'est difficile toujours de discuter avec un ignorant. Donc souvent, c'est des gens qui discutent, ils sont ignorants, que ce soit du phénomène naturel, comment ça se passe, l'aube, etc. Ils sont ignorants, ce genre, et ils sont ignorants au niveau religion. Donc c'est vraiment, ils sont ignorants à tous les niveaux. Donc c'est difficile souvent de discuter. Des fois, il prend du temps pour expliquer pourquoi l'aube, c'est maintenant, etc. Parce qu'il ne connaît ni les choses mondaines, ni la science mondaine, ni la science religieuse. Donc c'est un problème. Il ne connaît que cliquer sur une application ou prendre une feuille chez le boucher. Donc le niveau, comme il est bas, donc c'est difficile de discuter avec les gens. Chaque année, surtout pendant le mois de cette période où l'aube est assez tôt, dans les régions du Nord, là aussi, le problème va se présenter aussi. Pour concernant l'eau. Donc c'est ça la كثير يعني مشكله انه كثير ناس جاهل امور الدنيا كيف كذا الشرق كيف تشرق الشمس الى غير ذلك يعني الفجر كيف يكون الى غير ذلك وجاهل بامور الدين كذلك يعني مهم الانسان يعرف انه في هذا الزمن سيكون يعني الفجر وقت مبكر يعني في رمضان ان شاء الله. Donc pendant Ramadan aussi, ça sera, donc il y aura les misakis, et là aussi, il faut du temps à expliquer à des gens qui ne connaissent pas donc, les règles, ni au niveau on va dire astronomique, ni au niveau religieux. Donc voilà, Inch'Allah, ce sujet sera traité, Inch'Allah aussi pour l'aube, et s'abstenir, et tout ça, Fajr Assad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات